Section 15 de Histoire générale du IVe siècle à nos jours, tome 3e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Laurent Salvetti. Chapitre 4, deuxième partie. Louis XI et Charles le Téméraire. Par Léon Spingaud. Politique extérieure. Louis XI, a-t-on dit, ne vit dans le commencement de son règne que le commencement de sa vengeance. Il éloigna tous ceux qu'il savait ou supposait l'avoir desservi auprès de son père et s'entoura d'auxiliaires aptes à seconder aveuglément ses desseins. Avec lui, le gouvernement devint étroitement personnel. Ses agents furent choisis bons à tout faire, et à l'occasion brisés et sacrifiés sans pitié. C'était pour la plupart des gens de moyen état, des vassaux d'autrui, qui, en se donnant ou se vendant à lui, s'étaient compromis sans retour envers leur ancien maître. Ils se nommaient entre autres Saint Paul, Jean de Lude, Charles de Melun, Doyat, Doriol, Jean Balu, et, dans un ordre inférieur, le prévôt Tristan l'ermite, le barbier Olivier Ledin, le médecin Coictier. Les plus utiles, le Gaston Lesquin, le comtois Jean Jouffroy, les flamands Comines et Crèvecoeur, lui vinrent du monde féodal, un à un, comme on vient au succès et à l'avenir. Louis XI fut de tous les princes de son temps celui qui plus travailla à gagner un homme qui le pouvoit servir ou qui lui pouvoit nuire, Comines. Mise en œuvre par des instruments nouveaux, la politique royale restait, quant à son but, la même que sous Charles VII, moins patiente toutefois et moins scrupuleuse dans ses moyens. Il s'agissait d'abattre et de détruire la nouvelle Lotharingie, toujours plus compacte au flanc du royaume. Louis XI, à l'exemple de son père, subordonna à son grand dessein contre la Bourgogne, le sens de ses alliances extérieures. En Lorraine, tout en renonçant à la garde d'Épinal, 1466, il essaya sournoisement de réparer l'échec de 1444 devant Metz et de placer cette ville sous sa dépendance, 1464. Au-delà du Rhin, il entretint de son mieux la défiance des Allemands à l'égard de la puissance bourguignonne et fit valoir par de nouveaux traités les conventions de son père avec les magnifiques seigneurs des huit ligues de la Haute-Allemagne. En Italie, son action, d'ailleurs exclusivement diplomatique, fut constante et prépara en quelque sorte l'intervention armée de ses successeurs. S'il ne soutint qu'en parole les entreprises de ses cousins d'Anjou sur Naples, et s'il céda, sans rien retenir qu'une vaine suzeraineté, son protectorat sur Gênes, il se fit écouter à Milan, où il entretint avec le duc François Sforza une correspondance très active et arracha le duc Galeas Marie à l'alliance bourguignonne. À Turin, où il retenait à grand-peine sous sa main le duc de Savoie, son beau-frère, à Florence, où il réconcilia la seigneurie avec le pape Sixte IV, 1478, à Rome surtout, où il sut alterner à l'égard du Saint-Siège les concessions et les menaces, et fut proclamé protecteur de la Ligue conclue contre les Turcs en 1467. En Aragon, il promit par le traité d'Olite, avril 1462, 300 000 écus au roi Jean II en lutte avec les Catalans révoltés, et reçut de lui en gage le Roussillon et la Cerdagne. Comme il jugeait son débiteur insolvable, il comptait bien garder ces deux provinces, et il les garda en effet, non sans peine, le roi d'Aragon fournissant toujours, au moment opportun, son appoint aux coalitions féodales. Perpignan, révolté en 1475, fut pris et livré à une soldatesque impitoyable. D'habiles concessions rendirent ensuite le pays paisible jusqu'à la fin du règne et assurèrent la frontière française sur les Pyrénées. En Angleterre, où se poursuivait la guerre des deux roses, Louis XI soutint sans se prononcer trop ouvertement la Rose Rouge, surtout lorsque le duc de Bourgogne eut épousé, avec Marguerite d'York, les intérêts de la Rose Blanche, et il réussit un jour à se faire promettre, en échange de maigres secours accordés aux Lancastres, la rétrocession de Calais. La descente anglaise, le grand fléau du royaume sous ses prédécesseurs, restait son cauchemar. Pour l'empêcher ou l'arrêter, il se plia à tout, jusqu'à se dire simplement le prince Louis devant Édouard IV qui continuait à s'intituler roi de France. Ligue du bien public. Les deux chefs, très inégalement dangereux, du parti féodal étaient François II, duc de Bretagne depuis 1459, et le comte de Charolais qui, sous le nom de son père, vieilli, commençait à gouverner effectivement le grand-duché d'Occident. Le premier n'était redoutable ni par sa situation ni par son caractère. Enfermé dans sa presqu'île, il pouvait tout au plus apporter à ses alliés le concours de diversion qu'il n'opéra jamais à propos. Il obéissait à l'instinct qui faisait préférer aux Bretons la protection anglaise à la suzeraineté française, mais il n'avait ni esprit de suite ni énergie. Le comte de Charolais, au contraire, était déjà l'homme que ses contemporains ont surnommé le hardi, le terrible, le téméraire. Fastueux, orgueilleux, ambitieux à outrance, il visait à élargir en tous sens les frontières de l'État bourguignon et se heurtait avec colère au royaume de France maintenu par une main ferme dans son intégrité recouvrée. « J'aime tant le bien de ce royaume, disait-il ironiquement, qu'au lieu d'un roi, j'en voudrais six. » Contre l'un et l'autre, Louis XI ne tarda pas à prendre indirectement l'offensive. En Bretagne, il réveilla la question de l'hommage lige à sa couronne et revendiqua l'exercice contesté du droit de régal sur les évêchés bretons. En dépit de ses promesses, il proposa et obtint, octobre 1463, la restitution, moyennant rachat des villes de la Somme cédées à Arras. Il travaillait en outre à se faire rétrocéder dans la Flandre française Lille, Douai et Orchy, imprudemment attribuées par Charles V à Philippe le Hardi. Il reprenait au comte de Charolais, 1464, le gouvernement de la Normandie et tentait même, dit-on, de faire enlever ce prince par un aventurier à ses ordres, le bâtard de Rubempré. Une prise d'armes féodale devait s'en suivre pour remettre tout en ordre, consoler et soulager le pauvre peuple, disaient ses chefs, champions intéressés du bien public. C'était à la suite de François de Bretagne et du comte de Charolais, les anciens serviteurs de Charles VII disgracié, le comte de Saint-Pol, qui rêvait une souveraineté indépendante entre la France et les Flandres, les ducs de Lorraine et de Bourbon, le bâtard d'Orléans, Hunois, Jean d'Anjou, dit de Calabre, fils du roi René, puis les tyrannos du Midi, le duc de Nemours, le comte d'Armagnac, le sire d'Albret. Le duc de Berry, frère du roi, était le chef nominal de la Ligue. À une assemblée tenue à Tours, où le roi crut devoir leur exposer ses griefs particuliers contre le duc de Bretagne, les princes protestèrent de leur soumission. Décembre 1464. Quelques mois après, la Ligue était ouvertement déclarée. Contre elle, Louis XI n'avait guère, parmi les grands vassaux, que son oncle d'Anjou, et parmi les villes, que Paris. Le plan des confédérés était de traquer et de saisir celui qu'on a appelé l'araignée universelle au centre de sa toile, dans sa capitale. Louis, comptant sur la résistance de ses fidèles bourgeois, courut d'abord sur la Loire et rétablit à main armée son autorité sur les domaines des ducs de Berry et de Bourbon. Pendant ce temps, le comte de Charolais arrivait des Pays-Bas avec une forte armée. Mais il lui eût fallu, pour emporter Paris, les forces de son allié de Bretagne qui n'arrivait pas. Louis, débarrassé par la trêve de Riom de ses premiers adversaires, s'empressa de revenir vers le nord et livra bataille aux Bourguignons sur le théâtre des premiers combats de Louis le Gros contre les barons indociles de l'Île-de-France à Montlhéry. Ce fut une mêlée confuse, une action conduite au hasard de part et d'autre. Le comte de Charolais resta maître du terrain, mais le roi put pénétrer dans Paris. Cependant, autour de lui, le cercle de ses ennemis se renforçait et se rétrécissait. Derrière lui, en Normandie, il sentait les fidélités chancelantes, et il se résigna à traiter à tout prix. lui-même alla négocier avec ses adversaires, et son désir apparent de donner satisfaction à tous fit croire à sa sincérité. En octobre 1465, il signa à Conflans et à Saint-Maur des traités humiliants dont l'exécution eut ramené la monarchie au temps des premiers Capétiens. Le duc de Berry recevait la Normandie à titre d'apanage héréditaire. Le comte de Charolais, les villes de la Somme, sous condition de rachat, les comtés de Boulogne et Guînes sans condition. Le duc de Bretagne, les comtés de Montfort et d'Étampes aux portes de Paris, et la possession des régales de son duché. Le duc de Lorraine, la garde de Toul et de Verdun. Le comte de Saint-Pol, l'épée de Connétable. Les autres seigneurs, des places fortes ou des pensions. Le bien public, si l'on peut nommer ainsi les convoitises féodales, n'avait plus rien à souhaiter. Le pouvoir royal, au contraire, avait tout à reprendre, et Louis XI n'attendit pas un jour pour annuler une à une les concessions faites. Entrevue et traité de Péronne. La Normandie, aux mains du duc de Berry, rendait contiguës les terres de Bretagne et de Bourgogne et redevenait une porte ouverte aux Anglais sur Paris. Louis XI profita d'une brouille entre le nouveau duc et François II pour envahir la province sans déclaration de guerre et la reprendre en quelques semaines. 120 000 écus d'or envoyés à propos avaient rendu immobile le prince breton, et le Bourguignon se trouvait occupé chez lui par la révolte des villes de la Meuse. Liège et Dinan, comme naguère Gand et Bruges, se débattaient alors contre la suprématie du grand-duc d'Occident avec l'appui secret du roi de France. Le comte de Charolais dut passer une année entière à les réduire et les châtia durement. Il n'en était pas encore venu à bout quand la mort de Philippe le Bon le fit duc de Bourgogne, juin 1467. Louis XI, pendant ce temps, s'assurait contre lui la neutralité des autres maisons princières. Il faisait du duc de Bourbon une sorte de vice-roi dans la France du centre et du midi, gagnait à prix d'argent Jean de Calabre, flattait les Parisiens en organisant leur corporation de corps et métiers en une immense armée bourgeoise, remettait son armée proprement dite entre les mains de son ancien ennemi, le rude chef d'écorcheur Dammartin. Enfin, il convoquait à Tours les députés de 60 villes qui, dans un simulacre d'états généraux, avril 1468, proclamèrent l'inaliénabilité de la Normandie. Dès lors, il pensa pouvoir affronter la coalition de ceux que, dit-on, il appelait dédaigneusement, d'après leur caractère, le sanglier, le loup et l'âne. Le sanglier de Bourgogne, toujours furieux et prêt à l'offensive. Le loup d'Angleterre, épiant l'occasion de butiner sans peine sur les traces du premier. L'âne de Bretagne, bruyant et inconsidéré. Le roi prit d'abord l'âne à partie. Il se jeta sur lui et le força à accepter la paix à Ancenis, septembre. En se retournant contre le duc de Bourgogne, il risquait d'avoir à combattre en même temps les Anglais qui annonçaient à grand bruit leur prochaine descente. Il s'imagina que dans une entrevue personnelle avec Charles, il serait mieux que ses conseillers débattre les conditions d'une trêve, et il s'en alla, muni d'une lettre de sûreté, marchander sa laine et sa peau, comme lui disaient durement ses capitaines, en tête à tête avec son adversaire. Ce fut l'entrevue de Péronne, octobre. 2 jours s'étaient écoulés en pourparlers qui paraissaient devoir aboutir, lorsque Charles apprit une nouvelle révolte des Liégeois, préparée, lui disait-on, par les agents secrets du roi. Dans son premier mouvement de fureur, il retint Louis XI prisonnier, là même où un comte de Vermandois avait jadis fait mourir Charles le Simple. Pousserait-il jusqu'au bout ce coup d'audace, et ferait-il roi le duc évincé de Normandie? Il préféra lier son captif par de nouvelles et plus dures conditions. Louis XI dut jurer le renouvellement et l'interprétation au sens bourguignon des traités d'Arras et de Conflans, donner à son frère la Champagne, c'est-à-dire placer une sentinelle ennemie devant sa capitale, relier ainsi les deux groupes d'États bourguignons, et enfin, assister, la croix de Bourgogne au chapeau, à la réduction de ses alliés secrets les Liégeois. Cette fois, il était non seulement dépouillé, mais solennellement humilié. Nouvelle ligue contre Louis XI. le roi retourna Dicomine à grande joie dans son royaume. Il estimait que qui a le succès a l'honneur. Le succès, c'était cette fois le salut de sa personne. C'était aussi la perspective de pouvoir encore circonvenir et tromper l'un après l'autre ses adversaires. À son frère, il fit accepter, avril 1469, au lieu de la Champagne, la riche mais lointaine Guyenne. Il menaça le duc de Bretagne, redevenu le protecteur du jeune prince, intimida ou acheta ses conseillers, sut lui imposer de nouveau la paix à Angers. En Angleterre, il provoqua contre le roi Édouard IV, allié du Bourguignon, une restauration éphémère de la Rose Rouge. Quand il eut isolé ainsi Charles le Téméraire, il reprit courage, au point de le sommer de comparaître en personne devant le Parlement. Il se fit enfin déclarer délié des conventions de Péronne par une assemblée de notables réunie à Tours. La guerre recommença. L'armée royale ressaisit plusieurs des villes de la Somme. Ce fut au tour du duc de solliciter une trêve, avril 1471, pour travailler à reconstituer ses alliances. Sa revanche parut un moment complète. Édouard d'York remonta sur le trône d'Angleterre, le duc de Bretagne recommença ses menées anti-françaises, et le nouveau duc de Guyenne, séduit par la perspective d'épouser la fille unique du téméraire, menaçait d'entraîner tout le Midi dans une nouvelle prise d'armes. Ainsi menacé sur toutes ses frontières, Louis XI put se croire sauvé en apprenant la mort inattendue de son frère, mai 1472. On a dit plus tard, sans preuve, que cette mort était son œuvre. Il est certain qu'il s'en réjouit et qu'il en bénéficia en remettant aussitôt la main sur la Guyenne. Il crut alors pouvoir faire face, avec des forces à peu près égales, aux ducs de Bourgogne et de Bretagne. Le premier était entré en campagne sur la Somme, dénonçant à son suzerain une guerre à feu et à sang qui devait être décisive. Il enleva d'abord Nesle, où tout fut brûlé et massacré. Roye et Montdidier se rendirent ensuite. Beauvais, au contraire, tint près d'un mois et ne se laissa point prendre. Les femmes elles-mêmes, dont Jeanne l'aînée, dite Jeanne Hachette, est restée la personnification plus ou moins légendaire, s'était montré sur la brèche. Charles le Téméraire eut beau lancer ensuite ses bandes en Normandie jusqu'aux portes de Dieppe et de Rouen, il ne put donner la main aux Bretons, dont Louis XI en personne surveillait la frontière. François II, après avoir perdu plusieurs de ses places, mit pour la troisième fois bas les armes, et la trêve de Bretagne fut presque aussitôt suivie d'une autre trêve avec la Bourgogne. Novembre 1472. Louis XI laissa dès lors son rival s'épuiser ailleurs, à la poursuite de conquêtes et de titres chimériques. Il observa avec une certaine ostentation de fidélité les conventions conclues avec lui et parut tout entier à d'autres affaires, sauf à encourager par de sous-main les résistances qui devaient amener à bref délai la chute de son imprudent adversaire. Entreprise de Charles le Téméraire. Pendant les dernières années de sa vie, Charles le Téméraire chercha avec passion, des Bouches du Rhin aux Bouches du Rhône, la revanche de ses déconvenues diplomatiques à Conflans et à Péronne, de son échec militaire devant Beauvais. Presque toutes les négociations avortèrent. Les batailles furent perdues. Son but était double, arrondir à l'est, au nord, au midi, ses domaines, superposer à ses titres multiples un titre plus élevé, le titre royal. Et ce but, il le poursuivit sous le regard narquois du roi de France, avec cette obstination fougueuse et outrecuidante qui faisait le fond de son caractère. Il lui importait surtout d'établir une liaison permanente entre ses possessions bourguignonnes et ses possessions des Pays-Bas. Dès 1469, il avait reçu de l'archiduc Sigismond d'Autriche, en gage d'une dette de 100 000 florins, le comté de Ferret, le Landgraviat d'Alsace et les quatre villes forestières de Rheinfelden, Schickingen, Laufenburg et Walsnutz, qui prolongeaient pour lui, le long du Haut-Rhin, ses terres de Franche-Comté. Son représentant, Pierre de Hagenbach, s'y rendit dès le premier jour, odieux par ses violences. Au-delà des Alpes, il attira dans sa clientèle les ducs de Savoie et de Milan, et il pensait décider le roi René à lui léguer le comté de Provence. En 1473, il acquit la guèldre du vieux duc Arnold en querelle avec son fils. Enfin, il alla trouver l'empereur Frédéric III à Trèves en vue d'obtenir de lui la reconnaissance d'un royaume de la Gaule-Belgique. Il offrait en échange à l'héritier de l'Empire sa fille Marie, c'est-à-dire la totalité de son propre héritage. Au moment où il croyait atteindre le but, l'avant-veille du jour où il devait être couronné roi, il apprit que Frédéric, mis secrètement en défiance par Louis XI, avait quitté Trèves sans prendre congé. Pendant les mois suivants, les nouvelles inquiétantes ou désastreuses se succédèrent à ses oreilles. Les Suisses, se sentant menacés par ce voisin insatiable, s'unissaient, par un traité de défense mutuelle, mars 1474, à l'archiduc Sigismond et aux villes libres d'Alsace. Pierre de Hagenbach succombait devant un soulèvement populaire, était juridiquement condamné et mis à mort. Mais, avant de réparer cet échec, Charles s'engagea dans une autre affaire, de nature, pensait-il, à asseoir sa suprématie sur le Rhin. Il voulut soutenir, contre son chapitre et ses sujets révoltés, l'archevêque électeur de Cologne, et alla combattre pour ce nouveau client sous les murs d'une bicoque, Neuss, qu'il assiégea sans succès durant 10 mois, juillet 1474, juin 1475. Contre les Suisses, il se contentait alors de menaces. Il passa bientôt aux actes. Ces paysans, devenus libres au prix d'une lutte contre l'Allemand, voyaient désormais dans le Bourguignon l'ennemi mortel de leur indépendance. Louis XI les excitant tout bas et les payant largement, ils firent subir à la chevalerie bourguignonne les humiliations que les tisserands de Flandre et les archers d'Angleterre avaient infligées à la chevalerie française. Les haches de ces bûcherons montagnards, fichées au bout de bâtons de 18 pieds, eurent raison des longues lances, des brillantes armures, des haumes empanachés. En novembre 1474, ils entrèrent en Franche-Comté et dispersèrent à Héricourt les milices féodales des deux Bourgognes. L'année 1475 fut un peu plus heureuse pour le téméraire. Son allié d'Angleterre envahit la France et lui-même conquit la Lorraine. Le roi Édouard vint revendiquer à main armée ses duchés de Normandie et de Guyenne. Il comptait sur le duc de Bourgogne, alors occupé en Allemagne, et sur le comte de Saint-Pol, qui tenait Saint-Quentin. Ni l'un ni l'autre ne voulurent ou ne surent s'entendre avec lui, et Louis XI, empressé et insinuant, vainquit cette fois par sa diplomatie l'envahisseur héréditaire. Aux batailles qu'ils ont eues avec les Français, observe Comine, toujours ou le plus souvent, Anglais ont eu gain, mais en tout traité qu'ils ont eu à conclure avec eux, ils y ont eu perte et dommage. Non pas de tout point, car Louis XI, en traitant directement avec Édouard IV, à Piquigny, août, lui paya sans compter sa retraite, et pour l'avenir pensionna grassement ses conseillers. Avec le duc de Bourgogne, il renouvela les trêves des années précédentes pour 9 ans, septembre, ayant soin d'ouvrir devant lui, en Lorraine, en Alsace, en Suisse, le champ où il espérait le voir s'aventurer et périr. Grandson, Morat, Nancy. Charles donna dans le piège, d'autant mieux qu'un premier succès accrut ses allusions. Il envahit la Lorraine, novembre, et s'en empara sans grande difficulté. Il réunit les états du pays, se fit proclamer duc et déclara vouloir choisir Nancy pour sa résidence habituelle. Le but principal de son ambition était atteint, car il pouvait désormais aller de Dijon à Gand sur ses terres. Il lui fallait maintenant écorcher l'ours de Berne, se venger des Suisses. Ceux-ci eurent beau se présenter à lui en suppliant, alléguer leur pauvreté et leur désir de paix, sous prétexte d'une incursion faite par eux sur les domaines de son allié de Savoie, il passa le Jura. Près de la petite place de Grandson, sur le lac de Neuchâtel, dans une plaine étroite, il se heurta contre les montagnards de Berne, de Schwitz, de Soleur et de Fribourg. Pris à revers par ceux d'Unterwald, d'Uri et de Lucerne, son armée se dispersa presque sans combattre, en proie à une terreur panique, et il dut fuir lui-même, abandonnant à ses rustiques vainqueurs un prodigieux butin, février 1476. Quelques mois après, on le retrouve avec des troupes nouvelles, impatient de vengeance, dans la même région près de Morat. Les Suisses avaient, au milieu d'eux, leurs alliés d'Alsace et le jeune duc dépossédé de Lorraine, René II. Cette fois, ils attaquèrent au cri de grand son. La mêlée fut rude. Un mouvement tournant décida encore de la journée, juin. Des 8000 cadavres jetés dans la Chaux-Vive, les Suisses tirèrent après 4 ans un ossuaire, funèbre trophée, demeuré intact jusqu'en 1798. Les trophées de ces deux batailles décorent les arsenaux de la Suisse actuelle, et les souvenirs de Granson et de Morat constituent, avec ceux des journées classiques de Sempach et de Morgarten, le fond de son histoire militaire. Charles, vaincu, se vit refusé par ses sujets, là de ses violents caprices, des contingents et des subsides. Il s'était enfermé dans un château de Franche-Comté, volontairement inerte et furieux à outrance, comme l'Orlando dont Ariost allait raconter les aventures, quand il apprit que le duc de Lorraine, aidé des Suisses, était entré dans ses domaines et que toutes les villes lui avaient ouvert leurs portes. Pour retenir à tout prix sa nouvelle conquête, le téméraire se mit en campagne au milieu de l'hiver avec les débris de ses bandes et apparut devant Nancy. La ville tint bon et une armée de secours, que René était allé recruter en Alsace et ensuite, assaillit le camp bourguignon le 6 janvier 1477. Pris entre les assiégés et ses vainqueurs de l'année précédente, Charles se jeta avec désespoir dans la mêlée et y disparut. On retrouva le surlendemain son cadavre dans la frange de l'étang Saint-Jean. Ses obsèques, conduites par René, furent, en même temps que la pompe triomphale de la Lorraine délivrée, les funérailles de la dynastie et de la puissance bourguignonne. La succession de Bourgogne. L'héritage du téméraire tombait entre les mains d'une jeune fille de 21 ans, Marie de Bourgogne. Il comprenait des terres françaises et des terres d'empire, et parmi les premières, des apanages dès lors réversibles à la couronne, et des biens patrimoniaux n'impliquant que l'hommage. Il était impossible à Louis XI de s'en désintéresser, impossible également de le saisir tout entier, sinon par mariage. Or, comment unir de suite l'héritière déjà promise du vivant de son père à plusieurs princes, avec le dauphin de France, âgé seulement de 8 ans et fiancé à une princesse anglaise? Louis XI ne se sentit pas le courage et ne commit pas l'imprudence d'attendre. Marie, pour le désarmer, eut beau lui offrir les villes de la Somme et l'annulation des traités d'Arras, de Conflans et de Péronne. N'ayant, ainsi qu'il l'écrivait, d'autres paradis en son imagination, il se hâta d'agir, joua tous les rôles et prit toutes les voies. Il s'imposa à Marie comme suzerain, comme parrain, comme tuteur, comme beau-père futur. Il convoita ou occupa chaque province sous un prétexte particulier. Tout marcha de front, négociations publiques, intrigues secrètes et corruptrices, envahissements à main armée. Dans le duché de Bourgogne et ses annexes, comté de Mâcon, d'Auxerre, de Charolais, le roi, malgré les protestations de Marie, se fit aussitôt reconnaître comme souverain et naturel seigneur. La Franche-Comté, dominée par le plus puissant baron du pays, Jean de Châlons-Arlay, prince d'Orange, accepta provisoirement l'occupation et le régime français. Ici et là, le menu peuple était resté fidèle à la mémoire des comtes-ducs. Les violences des agents royaux, l'ambition trompée du prince d'Orange, amenèrent l'année suivante une révolte générale. Les Comtois, aidés des Suisses, qui redoutaient maintenant leur allié de la veille, reprirent toutes leurs villes, poussèrent jusqu'auprès de Dijon. En 1478 et 1479, Chaumont d'Amboise eut à délivrer la Bourgogne et à reconquérir la comté. Il gagna certains nobles, éloigna les Suisses à prix d'argent, traita avec la dernière vigueur Vesoul, Dôle et Grès, enleva un à un et rasa les châteaux des montagnes jurassiennes, et parvint enfin à faire reconnaître le roi comme protecteur jusque dans la ville impériale de Besançon. Des privilèges concédés à propos achevèrent la pacification. Louis vint à Dijon, jura sous le porche de l'abbaye de Saint-Bénigne de maintenir les franchises du duché, sauf adressé, à 2 pas de là, en face des remparts, le château, sorte de Bastille, qui constatait et garantissait efficacement ses droits. La principale partie se jouait dans les Flandres, où Marie de Bourgogne résidait, au milieu de ses parents anglais et allemands, tenus en tutelle, presque en captivité, par les Gantois. Louis XI, tout en la leurrant par la perspective lointaine du mariage avec le dauphin, visait à la désarmer, à la dépouiller pièce à pièce. Il acheta d'abord les villes de la Somme à leur gouverneur, remit la main sur les comtés de Boulogne et de Ponthieu. Il poussa ensuite ses soldats en Artois jusque dans le Hainaut, terre d'Empire, obtenant de gré ou de force l'entrée des villes, livrant les campagnes à une dévastation systématique. Les Gantois se crurent haïs par les principaux conseillers de leur nouvelle comtesse, Hugonnet et d'Humbercourt. Ils les firent juger et mettre à mort sous les yeux de Marie, malgré ses supplications publiques. Avril 1477. La jeune souveraine, se sentant à la merci de tous, se chercha à tout prix un protecteur légal. Elle se rappela avoir été fiancée par son père à l'archiduc Maximilien d'Autriche, grand lansquenet, qui estoit le plus pauvre prince d'Allemagne, mais qui lui pouvait apporter, contre son parrain déloyal, l'appui de l'Empire. Le mariage fut conclu en toute hâte et célébré à Gand, août. Louis XI, désagréablement surpris, jugea prudent de rompre avec son système nouveau de conquête et d'occupation à tout prix. Il en revint à celui des trêves armées, si propres aux dissimulations où il excellait. Il se reprit à marchander de loin des alliances et des trahisons et pensionna à Gand même deux échevins, Rime et Coppenole. Arras s'étant révolté, il fit raser ses murailles, abolit jusqu'à son nom et expulsa en masse la population. Ses vaisseaux firent la chasse aux bâtiments de commerce des Pays-Bas. Il n'y eut qu'une seule bataille rangée, celle de Guinegat, août 1479, et encore fut-elle, comme celle de Montlhéry, indécise. Maximilien, maître du champ de bataille, se trouva hors d'état de poursuivre son avantage. La guerre languit ainsi pendant 5 ans, entrecoupée par les trêves de Lens, d'Arras et de Douai, suspendue par des négociations peu sincères, jusqu'à la mort soudaine et prématurée de Marie de Bourgogne, mars 1482. Elle laissait 2 enfants, Philippe et Marguerite. Louis XI, qui se sentait vieillir et mourir, sut promptement mettre à profit la situation pour conclure cette fois un bon traité de paix. Les Flamands n'avaient qu'un désir, jouir de leur franchise recouvrée, se délivrer de leurs voisins de langue française. Il leur importait peu de soutenir dans son intégrité, au profit d'un étranger, la puissance bourguignonne. À l'instigation du rusé monarque, ils forcèrent le père de leur nouveau comte à accepter une transaction scellée par les fiançailles de la jeune Marguerite avec le dauphin de France. Louis XI gardait le duché de Bourgogne, plus, comme dot de la princesse, la Franche-Comté et l'Artois. Ce traité fut signé à Arras, décembre 1482. Il élargissait d'une façon inespérée la frontière française, sans régler, au gré de personne, si ce n'est des Flamands, la succession de Bourgogne. Le grand combat séculaire avec les Anglais était bien fini. Un autre allait s'engager, qui devait durer plus de 200 ans, et, sous d'autres noms, perpétué entre les maisons de France et d'Autriche, la lutte pour la suprématie de l'Europe occidentale. Louis XV, en 1745, avait raison de dire, en contemplant à Notre-Dame de Bruges les tombeaux du Téméraire et de sa fille, « Voilà l'origine de toutes nos guerres. » Fin de la section 15.